Bonjour mes frères et sœurs, et ce matin nous commençons à étudier le texte comme tel. Hier on a fait un intro. Aujourd'hui on va étudier un peu plus le texte lui-même, et pour ce faire je vais lire, si vous voulez bien, le passage que nous allons étudier ce matin. Mais avant de ce faire, nous allons prier ensemble, si vous voulez bien. Notre Père du ciel, guide-nous dans ce temps de méditation, ce temps de partage les uns avec les autres, autour de la personne de Jésus, autour de la personne de Dieu, autour de la personne du Saint-Esprit, parce que c'est de cela qu'il va être question pendant tous ces partages. Guide-nous, parce que sans toi, nous ne pouvons rien faire. Sans ton esprit, nous sommes rien. Sans ton aide, nous sommes dans les ténèbres. Donc, guide-nous par la puissance de ton nom et pour la gloire de ton nom. Amen. Donc, tournez, si vous avez vos Bibles, dans Actes chapitre 1. Et nous allons lire du verset 1 jusqu'au verset 14. Commençons à lire à partir du verset 1. Théophile, j'ai parlé dans mon premier livre de tout ce que Jésus a commencé de faire et d'enseigner dès le commencement, jusqu'au jour où il fut enlevé au ciel après avoir donné ses ordres par le Saint-Esprit aux apôtres qu'il avait choisis. Après qu'il eut souffert, il leur apparut vivant et leur en donna plusieurs preuves en se montrant à eux pendant 40 jours et parlant des choses qui concernent le royaume de Dieu. Comme il se trouvait avec eux, il leur recommanda de ne pas s'éloigner de Jérusalem, mais d'attendre ce que le Père avait promis. « Ce que je vous ai annoncé, leur dit-il, car Jean a baptisé d'eau, mais vous, dans peu de jours, vous serez baptisés du Saint-Esprit. » Alors les apôtres, réunis, lui demandèrent, « Seigneur, est-ce en ce temps que tu rétabliras le royaume d'Israël? » Il leur répondit, « Ce n'est pas à vous de connaître les temps et les moments que le Père a fixés de sa propre autorité. Mais vous recevrez une puissance du Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. » Après avoir dit cela, il fut élevé pendant qu'il le regardait, et une nuée le déroba à ses yeux. Comme ils avaient les regards fixés vers le ciel pendant qu'ils s'en allaient, voici deux hommes vêtus de blanc leur apparurent. Ils dirent, « Hommes galiléens, pourquoi vous arrêtez-vous à regarder au ciel? Ce Jésus qui a été enlevé au ciel du milieu de vous viendra de la même manière que vous l'avez vu allant au ciel. » Alors, il retourna à Jérusalem de la montagne appelée les Oliviers, qui est près de Jérusalem, à la distance d'un chemin de sabbat. Qu'est-ce qu'on voit ce matin? Premièrement, on voit que, comme je vous ai dit, nous allons voir dans les Actes des Apôtres, je pourrais quasiment appeler une omniprésence de la personne du Saint-Esprit. Et dès les premiers 12 versets, nous le voyons apparaître trois fois. Trois fois, on le mentionne déjà, afin qu'on puisse comprendre que l'Esprit-Saint va être très actif dans le livre des Actes. Donc, si je regarde les premiers 12 versets, j'aurais tendance à penser que les apôtres sont quelqu'un de spécial. Ils sont quelqu'un de spécial. Et c'est avec eux autres que Jésus va parler. C'est avec eux autres qu'il va les apparaître pendant 40 jours. C'est à eux autres qu'il va leur dire des choses dans ces versets. Qu'est-ce qu'on voit? Premièrement, verset 1 et verset 2. Il leur dit que après qu'il soit mort et ressuscité, pendant 40 jours, il va leur apparaître. Pendant 40 jours, il va leur donner des preuves de sa résurrection. Mais remarquez bien au verset 2, qu'est-ce qu'il dit? Jusqu'au jour où il fut enlevé au ciel après avoir donné ses ordres par le Saint-Esprit aux apôtres qu'il avait choisis. Donner ses ordres, ça nous paraît un peu négatif. On pourrait traduire donner ses instructions, donner ses principes ou ses préceptes par le Saint-Esprit. Voyez-vous que même du vivant de Jésus, et même pendant qu'il était ressuscité, qu'il apparaît pendant 40 jours, c'est par l'Esprit Saint qu'il leur donne des ordres, des enseignements, des principes, des préceptes. Il va leur parler. Mais sans que les apôtres s'en rendent compte, l'Esprit de Dieu est utilisé afin qu'ils comprennent certaines choses, qu'ils voient certaines choses, qu'ils croient certaines choses. Et il va s'adresser, pendant ces 40 jours-là, spécialement aux 12. Il va leur donner des instructions spéciales à eux. Il va leur donner des preuves à eux. Pourquoi? Parce qu'ils doivent, ils vont être les outils pour mettre des fondements à l'Église. Et comme on va voir tout au long, si Théophile a reçu l'instruction de la part des apôtres, ben, il va donner crédibilité. On va voir ensemble que les apôtres, en dehors de la personne sur l'esprit, sont seulement que des êtres humains bien ordinaires comme vous et moi. Mais par l'Esprit Saint, qui va venir habiter en eux, ils vont faire des choses bien spéciales. Mais avant qu'ils viennent habiter, on va voir la différence tout à l'heure, avant qu'ils vont venir habiter en eux, Jésus s'en est déjà servi pour leur faire comprendre certaines vérités. Comme il fait avec les inconvertis, il va par l'Esprit Saint leur parler, les convaincre, leur donner toutes sortes de vérités, afin qu'ils croient et que là, il va les baptiser du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est déjà à l'œuvre dans la vie des apôtres avant qu'il les baptise du Saint-Esprit. Donc le Saint-Esprit a un rôle dans leur vie, et je crois qu'il a eu un rôle pendant tout le ministère de Jésus dans la vie des apôtres. Et donc il leur a donné des ordres par le Saint-Esprit. Et pendant ces 40 jours-là, il leur donne des preuves. Et ces preuves-là vont faire du sens seulement parce que l'Esprit de Dieu va les aider à comprendre et à faire le lien un peu plus tard avec ce qui a été dit, avec ce qui a, les preuves qu'ils ont reçues. Parce que ces preuves-là, on a de la difficulté à les comprendre et à faire le lien tant que le Saint-Esprit ne va pas nous aider à le faire. Il leur donne des preuves qu'il est bien ressuscité. Donc, eux autres, ça va, je ne sais pas si ça lui a pris 40 jours à le croire. Il va y apparaître à différents moments donnés. Il va passer du temps avec eux autres. Mais imaginez-vous un Théophile qui ne l'a pas vu. Qui ne l'a pas vu le ressusciter en chair et en os, si je peux dire de même, avec son nouveau corps. Il n'a peut-être même pas vu de son vivant, Jésus. Comment va-t-il croire que c'est vrai cette chose-là? Parce que j'ai 60 ans et je n'en ai pas vu de ressuscité, moi. Et Théophile, je suis bien convaincu qu'il peut-être qu'il n'a jamais vu de ressuscité aussi. Donc, les apôtres vont être des témoins de cette résurrection-là. Par les autres, maintenant, ils vont, avec le Saint-Esprit qui va venir en eux, ils vont être convaincus, prêts à mettre leur tête sur la bûche, que Jésus est vraiment ressuscité. Et ça va prendre l'esprit, parce que on a vu dans Luc à la fin, Jésus leur a dit à plusieurs reprises qu'il était ressuscité par les hommes, par les femmes, tout ça, et ils n'ont pas compris, ils n'ont pas cru. Mais les preuves maintenant qu'il va leur donner vont devenir vraies, vont devenir tangibles, vont devenir irrévocables par la puissance de l'esprit qui est en eux. Ils vont devenir des témoins de cela. Et remarquez bien ce qu'il dit au verset 3. Pendant ces 40 jours, qu'est-ce qu'il fait? Il leur parle des choses qui concernent le royaume de Dieu. Donc c'est bien le même Jésus qui était mort. Parce que pendant que Jésus était sur la terre, pendant ses trois ans de ministère, il a fait juste une chose. Il leur parlait du royaume de Dieu. et il continue à leur parler du royaume de Dieu. Mes frères et sœurs, l'Évangile, c'est le royaume de Dieu. L'Évangile, c'est pas un paquet de choses à faire ou à ne pas faire. Ce n'est pas un ramassis de choses, de règles à suivre ou à ne pas suivre. C'est le royaume de Dieu. Ça concerne le royaume de Dieu. Qu'est-ce que c'est le royaume de Dieu? C'est Dieu qui règne sur des gens. Ce n'est pas une place. Ce n'est pas un lieu. Ce n'est pas le ciel comme on le voit. C'est que Dieu prend possession d'hommes et de femmes et il va régner sur eux. C'est ça le royaume de Dieu. Il y a un roi. C'est Jésus-Christ qui est le roi. Donc Dieu règne à travers Jésus-Christ par le Saint-Esprit dans la vie des hommes qu'il a choisis. Ici, on nous parle des 12. Donc, pendant 40 jours, ça se passe là. Ensuite, il leur dit que, mais au verset 4, vous autres ne quittez pas Jérusalem jusqu'à temps que s'accomplisse ce que le Père avait promis. Ne partez pas, restez ici, dans quelques jours. Et on sait que quelques jours veut dire 10 jours. Parce que la Pentecôte va avoir lieu 10 jours plus tard. Parce que la Pentecôte a lieu 50 jours après Jésus, après la mort de Jésus, après la Pâque. Donc, et déjà, ça fait 40 jours qu'il leur a apparu. Il va partir le 40e jour. Il va rester à peu près 10 jours avant que le Saint-Esprit arrive. Donc, il y avait eu une promesse dans l'Ancien Testament, faite par Dieu, faite par les prophètes, que Dieu enverrait, baptiserait les gens du Saint-Esprit. Quelle différence qu'il y a entre le verset 5 et le verset 2? Il leur a donné des ordres par le Saint-Esprit, et maintenant il va les baptiser du Saint-Esprit. C'est une grosse différence. On va voir au verset 2 qu'est-ce qui arrive. Et il leur parlait du Saint-Esprit, et mais le Saint-Esprit allait et venait, si je peux dire ainsi. Et le Saint-Esprit, on voit comment Jésus, à différentes reprises, va souffler sur eux. Il va leur parler du Saint-Esprit, il va leur parler par le Saint-Esprit pour qu'ils comprennent. Mais là, le baptême du Saint-Esprit, c'est que le Saint-Esprit va venir habiter dans le croyant pour toujours, pour ne plus jamais partir. Le Saint-Esprit va rester dans le croyant tout au long de leur vie, sans aucune augmentation ou diminution. Parce que ce n'est pas une puissance, c'est une personne, c'est l'Esprit de Dieu, c'est la troisième personne de la Trinité. Et cette personne-là donne de la puissance, mais ce n'est pas une puissance. Donc, il leur a donné des ordres par le Saint-Esprit, mais il dit, ne vous en allez pas à Jérusalem, ne commencez pas à faire ce que je vous ai dit sans avoir reçu le Saint-Esprit avant. Parce que sans le Saint-Esprit, vous ne pouvez pas rien faire. Comme il a dit au début, sans moi, vous ne pouvez pas rien faire. Sans le Saint-Esprit, le croyant ne peut pas rien faire. C'est pas le croyant qui dirige le Saint-Esprit, c'est pas le croyant qui fait bouger le Saint-Esprit, mais c'est le Saint-Esprit qui fait bouger le croyant et qui le dirige. Maintenant, une troisième chose qu'on voit, c'est que là, les apôtres disent, c'est-tu maintenant que tu vas rétablir le royaume d'Israël? Jésus, il dit là, attends un peu les gars, là. Vous vous mêlez de ce que vous ne regardez pas. C'est pas à vous de vous tracasser du plan de Dieu. C'est pas à vous de vous tracasser quand est-ce que Dieu va rétablir Israël ou pas. Ce que Dieu va faire dans l'avenir, c'est pas votre affaire. Dieu va le faire. C'est son plan, c'est sa responsabilité, il va s'en occuper. Vous autres, il dit par exemple, vous allez recevoir le Saint-Esprit. C'est une puissance, cet esprit-là. Et vous allez être mes témoins, Jérusalem, Judée, Samarie, et jusqu'aux extrémités de la terre. Il dit aux 12, vous allez être mes témoins partout, jusqu'aux extrémités de la terre. Vous allez être mes témoins. Donc, le Saint-Esprit, il dit, vous allez le recevoir, ça va être une puissance, et ça va vous être capable d'être mes témoins. Donc, pourquoi est-ce qu'ils reçoivent le Saint-Esprit? C'est pour rendre témoignage à Jésus. C'est pas pour prêcher l'Évangile, comme des fois on pense. C'est pour rendre témoignage à Jésus. Qui, faisant cela, ça va être l'Évangile. Mais l'évangile, c'est de rendre témoignage à quelqu'un. Il dit, vous allez être mes témoins. Les témoins de sa mort, les témoins de sa résurrection, les témoins de son œuvre, les témoins de sa personne. Oh, mes frères et sœurs, il faut bien comprendre ça. Que notre œuvre dans le monde, c'est de faire connaître quelqu'un au monde entier. Qu'il se convertisse ou pas, c'est secondaire. Notre rôle, c'est pas de les convertir. Notre rôle, c'est d'être des témoins. Et étant témoin d'une personne. Et c'est pour ça qu'on va voir, tout au long des Actes des Apôtres, les apôtres rendant témoignage de la résurrection de Jésus. De sa vie, de sa mort, de sa résurrection. Surtout dans les Actes des Apôtres, sa résurrection. Parce que les Actes des Apôtres, ça va être un livre essentiellement, premièrement, pour prouver que Jésus est bien vivant. C'est le but premier. Et donc, il veut convaincre Théophile qu'il est bien ressuscité. Ou si Théophile est devenu un croyant, mais pour qu'il fonde sa foi sur des faits, et non pas juste sur des dires, et cetera. Mais qu'il y a des faits, il y a des moments dans l'histoire qui se sont passés qui démontrent, qui prouvent que Jésus est bien ressuscité. Et j'ai dit, je vous ai donné ces preuves-là pendant 40 jours, maintenant vous autres allez faire connaître au monde ces preuves-là de ma résurrection. Et là, qu'est-ce qui arrive? Jésus part. Après que j'aurai dit ça, il s'en va. Il monte vers le ciel et dit, je m'en vais, c'est fini. On va se revoir à mon retour. Et pendant qu'il regardait au ciel, j'aurais fait la même chose, deux anges viennent puis ils leur disent, pourquoi vous regardez vers le ciel? Il va revenir un jour. Il va revenir. Ne vous en faites pas. Il part, mais soyez pas tristes. Il va revenir. De la même façon qu'il est parti, il va revenir. Vous l'avez vu partir avec un corps glorifié? Il va revenir avec un corps glorifié. Et là, il s'en retourne à Jérusalem, sont obéissants, ils retournent à Jérusalem, ils laissent là. Et là, ils prennent la peine de nous les nommer. Pierre, Jean, Jacques, André, Philippe, Thomas, Barthélemy, Matthieu, Jacques, fils d'Alphée, Simon le Zélote et Judas, fils de Jacques. Jude, excusez, fils de Jacques. Pourquoi est-ce qu'ils les nomment? Pour être bien certain qu'on sait qui a autorité. Qui vont être les témoins? À qui a apparu pendant ces 40 jours-là? À qui a donné ses ordres? C'est qui va mettre les fondements de l'Église? Parce qu'on va voir plus loin, et si vous avez déjà lu le Nouveau Testament dans son entier, le fondement de l'Église, c'est les 12 apôtres. Et on va voir dans l'Apocalypse, si vous avez déjà lu, les 12 pères de la ville, c'est les 12 apôtres. C'est les 12 apôtres qui vont avoir un rôle bien précis d'être des témoins de Christ, témoins de sa résurrection, témoins qu'il est vivant, témoins qu'il est le sauveur du monde. C'est ces 12-là qui vont avoir le plus d'importance. Donc, dès le départ, dès le premier chapitre, Jésus, ou l'Esprit de Dieu qui va inspirer Luc ici, donne une autorité très grande aux 12. Très grande. Ils l'ont vu partir. Donc, frères et sœurs, l'Esprit Saint va avoir un grand rôle. D'abord, il a fait comprendre, il a aidé à recevoir les ordres de Jésus. C'était une promesse faite du Père, une promesse qui va s'accomplir, qu'on va voir dans le chapitre 2. Et troisièmement, c'est une puissance pour les 12 apôtres, afin qu'ils soient des témoins. Vous allez me dire, François, il est une puissance pour nous autres aussi? On va voir ça plus loin. Mais pour le moment, en ce jour, c'est pour les 12. Prions ensemble. Notre Père du ciel, nous te remercions. Nous te remercions que tu nous as donné la grâce de fonder sur notre foi, pas sur juste des entendre-dire, pas juste sur des idées, pas juste sur de la logique, mais sur des preuves. C'est des preuves des preuves pour les êtres humains, pas des preuves pour les anges, des preuves pour les êtres humains, afin que les êtres humains croient l'incroyable, qu'un homme est mort et qu'il est ressuscité. Et tout au long du lac des apôtres, les apôtres vont démontrer la preuve incontestable qu'il est ressuscité, et à cause qu'il est ressuscité, ça a changé la vie des apôtres, ça change notre vie. Donc, béni, c'est quelques moments d'étude à la gloire de ton nom. Amen.